إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, on continue aujourd'hui, c'est le cours numéro 15 dans la lecture du livre Al-Adillatu Shar'iyya Likashfi Talbisat Al-Hizbiyya Ala Al-Mujtama'at Al-Islamiyya. Et c'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim Al-Raymi Al-Yamani. Donc là, on va commencer par le premier point, parmi les points qui sont mentionnés, parmi les arguments des Hizbiyyin pour essayer de défendre l'idée de participation aux élections puis à la démocratie. Donc le Cheikh, avant de commencer à lire qu'est-ce que le Cheikh explique maintenant, il y a juste un petit point que je voulais rajouter par rapport à qu'est-ce qu'on a lu en dernier la semaine passée à propos du mémoire de Astrolabe, du groupe Astrolabe. En fait, d'après ce que j'ai compris, sur le groupe Astrolabe, ça fait partie des associations culturelles algériennes. Au début, il faisait partie du centre culturel algérien. Le centre culturel algérien, c'est vraiment laïque, hein, basé sur des trucs laïques puis nationalistes comme algériens et tout. Puis je sais pas, mais d'après ce que j'ai compris, puis d'après ce que les femmes ont dit, c'est que c'est des gens qui étaient ensemble, puis à un moment donné ils ont trouvé que c'était pas assez religieux, donc ils ont dit on va faire notre propre association qui va respecter un petit peu plus l'islam. Donc en fait c'est presque les mêmes idées qui sont derrière, mais c'est juste qu'à tendance un petit peu plus islamique, islamiste plutôt. Puis donc c'est ça l'origine d'Astrolabe. Puis là, le point que je voulais mentionner, c'est par rapport à l'exemple qu'il donnait, par rapport quand il divisait la communauté en trois parties. Il divise la communauté en trois catégories. Ceux qui sont pour le nous, qui veulent se faire un repli identitaire. Puis après, ceux qui veulent complètement s'assimiler à la société. Puis, le troisième, c'est soi-disant, c'est eux qui veulent être équilibrés, c'est-à-dire qu'ils veulent pas nier leur identité québécoise, mais en même temps qu'ils veulent garder leur identité musulmane, soi-disant. Donc eux, ils disent qu'ils sont la majorité, ils acceptent les valeurs québécoises, la laïcité, la démocratie. Donc le point que je voulais mentionner au dernier cours, puis que j'ai complètement oublié de mentionner, c'était par rapport justement à l'idée qu'ils ont du fait que de faire un repli identitaire, ça va amener à une ghettoïsation de la communauté musulmane. Et puis je voulais répondre justement à cette prétention-là. Comme j'avais expliqué que leur mémoire c'est presque le même que celui de présence musulmane, eh ben il y a un petit truc qui est encore plus bizarre que ça, c'est que si vous écoutez les paroles de Tariq Ramadan justement sur tous ces sujets-là dont on entend parler dans ces mémoires qui ont été écrits et composés par ces associations-là ici au Québec, eh ben on remarque que c'est exactement le même discours que le discours de Tariq Ramadan. Donc c'est comme si on dirait que ils ont copié ce discours-là, ou bien ils ont élaboré leur discours en se basant sur les idées de Tariq Ramadan. Okay? Et c'est ça qui est un petit peu surprenant, mais en fait, c'est peut-être pas surprenant en fait, parce qu'en réalité, c'est exactement ça qui se passe, puisqu'ils sont, ils sont quand même reliés. Ouais, donc, par exemple, à la page 30, ils disent, par exemple, dans leur mémoire, une telle législation, on parle de certaines législations, par exemple, qui pourraient être adoptées, par rapport à certains, ils disent, une telle législation pourrait, par ailleurs, renforcer la première posture identitaire que nous avons présentée dans la partie sur la communauté musulmane. Cette posture qui s'accommode des discours binaires et qui promeut un repli identitaire ghettoisant verrait volontiers dans un durcissement de la loi les preuves incontestables de la justesse de son orientation. Si une telle éventualité devait avoir lieu, elle rendrait encore plus difficile le travail de la majorité des associations musulmanes du Québec, car cette action associative s'efforce plutôt à encourager la participation citoyenne des musulmans et des musulmanes du Québec. Dans ce sens, il est important de comprendre que le meilleur allié du repli identitaire, c'est l'idéologie de la peur qui justifierait la promulgation des lois liberticides visant principalement les musulmans. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire à propos de cette citation-là ou de ce paragraphe-là, en fait, c'est que, d'après ce qu'ils essaient d'expliquer maintenant, c'est que, yani, si le Québec, par exemple, si le Québec faisait des lois qui sont dures et qui interdisaient, par exemple, le fait que la femme se voile au travail, des trucs comme ça, que ça, ça ferait en sorte de renforcer le discours d'une partie de la communauté musulmane qui prône ou qui promeut un repli identitaire. Et ils essaient de dire que le repli identitaire, ça veut dire une ghettoisation. D'accord? Et déjà, sur ces termes-là, on voit que y a une totale incompréhension de la part de ces associations musulmanes-là. C'est que premièrement, nous on est musulmans, notre religion c'est l'islam, et notre devoir en tant que musulman c'est d'appeler au Coran et d'appeler à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ramener les gens à la aqidah des salaf salih d'appeler les musulmans à suivre ce manhaj également, d'accord, et donc d'appliquer l'islam dans toute sa signification, dans les paroles, dans les actions, dans la croyance, et donc également, ça implique bien entendu qu'on ramène les musulmans ensemble en se basant sur l'islam et en les ramenant sur les bases de l'islam. Et ça, ça implique bien entendu que les musulmans apprennent à aimer l'islam et à aimer s'identifier à l'islam et à être fiers de leur religion et en même temps de se distinguer justement de ceux qui ne sont pas musulmans. Et ça, lorsque les musulmans ont bien compris ça et qu'ils ont bien appris leur religion et qu'ils se sont sentis fiers d'être ce qu'ils sont et qu'ils s'identifient comme tels, eh bien ça fait en sorte que bien entendu ils s'aiment entre eux en Allah subhanahu wa ta'ala et ils aiment être les uns près des autres et ils aiment vivre ensemble. Hein? Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les musulmans ne s'aiment pas tous les uns les autres et ils n'aiment pas toujours vivre justement ensemble. Et parfois même, on remarque que, au contraire même, certains musulmans s'éloignent des autres musulmans et essaient justement de ne pas se faire identifier aux musulmans et essaient justement de s'éloigner des endroits où vivent les autres musulmans. Et une des grandes raisons à cause de ça, une des grosses raisons par rapport à ça, c'est qu'ils ne sont pas unis entre eux par rapport aux principes et aux fondements de l'islam, ou au principe de l'islam, et qui ne s'aiment pas nécessairement uniquement pour Allah, mais bien entendu, malheureusement, c'est pour des choses économiques, ou des liens ethniques, ou des nationalités, ou des choses matérielles. Ça c'est de un, et qu'est-ce qui fait en sorte que les gens s'éloignent les uns des autres, c'est justement à cause de ça, c'est que étant donné qu'ils ne s'unissent pas pour l'islam, donc ils s'unissent souvent sur des choses haram et sur des péchés. Et une des punitions qui vient par la suite, du fait que les gens s'unissent sur le péché, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala met la haine entre leurs cœurs par la suite. Il met la discorde entre eux. et entre leurs cœurs. Et donc, au lieu d'essayer de se rapprocher les uns des autres et à s'aimer et à aimer être les uns avec les autres, au contraire, ils vont commencer à s'enfuir les uns les autres à cause de la honte qu'ils ont justement des péchés qu'ils font et à cause justement de la peur de la critique et de la réprimande qui va s'en suivre. Donc, ça c'est de un. Deuxièmement, en plus de ça, qu'est-ce qui est incorrect dans cette idée-là? C'est l'idée de ghettoisation. C'est que c'est pas parce que les musulmans vont commencer à vivre ensemble et à se rapprocher les uns des autres qu'ils vont être qu'est-ce qu'on appelle un ghetto. Parce qu'un ghetto, premièrement, on trouve ça en principe chez les juifs ou chez les gens qui sont renfermés sur eux-mêmes et qui ne sont pas ouverts sur le monde. Ça, c'est pourquoi on retrouve ça en particulier chez les juifs, parce que c'est des gens qui n'ont pas un principe comme dans l'islam, par exemple, de la da'wa. Donc, on ne retrouve pas l'idée dans le judaïsme, par exemple, qu'il faut propager l'islam. Vous savez, pour les juifs, ils n'ont pas à propager le judaïsme et inviter les gens qui ne sont pas juifs à devenir juifs ou à accepter de croire en leur religion. Donc, il n'y a pas d'invitation de la part de la communauté juive. Et pour être juif, bien entendu, principalement, il faut que ta mère soit juive. Donc, c'est un truc qui est basé sur une nation, ni ça n'a rien à voir avec une foi ou une croyance nécessairement, puisqu'il y a même des juifs qui ne croient pas en Dieu, malgré tout, ils sont acceptés comme étant des juifs dans la communauté juive. D'accord? Donc, c'est pour dire. Tandis que pour l'islam, pour les musulmans, c'est pas du tout la même chose. Un chinois, un grec, un italien, un kabyle, un arabe, un africain, noir, n'importe quelle origine, un québécois, blanc ou n'importe quelle origine, ça dérange pas. Du moment qu'il a accepté de croire en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il est un frère, il est considéré comme étant un frère avec tous les autres musulmans et il n'y a plus de distinction entre lui et les autres musulmans. Donc, non seulement ça, c'est que l'islam nous invite et nous incite à inviter tout le monde, parmi tous les peuples, toutes les langues, toutes les races, toutes les ethnies, à croire en une seule croyance et à adorer un Dieu unique et à se soumettre à notre Créateur. Donc, déjà, il y a une autre façon de voir la vie, une autre façon de voir le monde. D'accord? C'est en se basant sur, bien entendu, la da'wah et le fait d'inviter les peuples de toute origine, de toute langue, de toute culture d'accepter l'islam. Donc, il peut pas y avoir une ghettoisation dans ce sens-là. Parce qu'au contraire, non seulement on est là, non seulement on vit avec les gens, mais en plus de ça, on invite les gens à accepter les principes que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour l'humanité. Donc, il n'y a pas de ghettoisation possible. De notre côté, ces gens-là qui se prétendent soi-disant ouverts à la société québécoise et qui disent qu'ils veulent encourager à une participation citoyenne des musulmans au Québec, on voit que ce sont eux plutôt qui sont en train d'amener les musulmans à faire une ghettoisation, parce que leur seule participation, comme par soi-disant quand ils parlent de participation, c'est uniquement quand ça a rapport avec les élections et la politique et la démocratie et les lois. C'est uniquement de ces choses-là qu'ils parlent. Ils ne parlent jamais de ta'wa, ils ne parlent jamais de aqida, ils ne parlent jamais de tawhid, ils ne parlent jamais de sunna. La seule chose qu'ils sont en train de dire, c'est il faut participer à la société, il faut participer aux élections, il faut participer à la démocratie, il faut être d'accord avec la laïcité. Donc, on dirait que leur discours s'adresse uniquement aux questions politiques et aux questions économiques de la communauté. En ce qui concerne la croyance et la religion, ça ne les regarde presque jamais et ils n'en parlent presque jamais non plus. Donc, ces gens-là, ils insistent beaucoup pour que les musulmans soient unis en tant que ethnie ou groupe culturel, mais jamais sur la question de la, jamais en se réunissant uniquement sur la foi, principalement sur la foi. Et c'est pour ça que lorsqu'ils parlent des musulmans, ils disent toujours les Québécois, ou les Arabes, ou les Maghrébins, et en dernier on dit musulmans, ou de foi, ou de confession musulmane en dernier. Mais pour eux, qu'est-ce qui est plus important, c'est le groupe ethnique, ou la nationalité, ou la communauté culturelle. Donc, c'est pour dire, la priorité pour eux, c'est pas la religion, c'est secondaire pour eux la religion. Donc, qu'est-ce qu'ils amènent ces gens-là? Ils amènent un repli identitaire et une ghettoisation basée sur une ethnie ou sur une culture et non pas de se réunir autour d'une foi et d'une croyance. Et donc ça c'est beaucoup plus dangereux Et en fait, c'est ça le vrai danger qui va faire en sorte que les musulmans vont couler et tomber justement dans l'assimilation à la longue, petit à petit, justement, qui vont perdre leur identité. Non seulement leur identité culturelle, hein, ça c'est sûr, ça va fondre après quelques années, peut-être après quelques décennies, leurs enfants vont parler comme l'accent des gens d'ici, puis ils vont vivre comme ici, et ils vont même plus penser ou croire comme selon les gens de leur pays d'origine, mais ils vont également malheureusement perdre leur aqidah et perdre leur pratique religieuse petit à petit aussi avec les décennies qui vont passer. Et ça c'est quelque chose qu'on a remarqué en France et ça commence ici aussi. Donc ça c'est des exemples et donc c'est pour ça que c'est important de faire comprendre que ces gens-là, ils accusent certaines catégories ou certaines parties de la communauté des musulmans qui vivent ici de soi-disant appeler à une ghettoisation, puis à un discours binaire et d'appeler à un repli identitaire, alors que c'est eux qui sont en train de faire ça et ils prétendent que c'est le contraire. Donc ça c'est grave. Et en ce qui concerne le discours binaire, eh ben c'est vrai que dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de distinguer entre l'iman et le kufr, la foi et la mécréance, et de distinguer entre le shirk et le tawhid, le shirk et l'association avec Allah dans l'adoration et l'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est deux choses qui s'opposent, le monothéisme et l'idolâtrie. Ensuite, il nous a aussi fait distinguer entre qu'est-ce qui est sunnah et bid'ah, hein. Et donc, tout ça, c'est des choses qui nous font comprendre qu'il faut justement distinguer entre ces choses-là et par rapport aux individus qui, s'identifie à ces façons de croire ou à ces façons de vivre là, il faut distinguer également entre les hommes et juger entre les hommes selon nos principes, selon nos fondements, selon notre aqidah, et c'est quelque chose qui est obligatoire pour nous en tant que croyants en islam puisque c'est ordonné par Allah dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, et donc il n'y a rien de mal à avoir un discours binaire, et contrairement à ces gens-là qui disent qu'ils appellent à un « nous » inclusif, hein, comme par exemple Présence musulmane et même aussi Astrolabe et les autres organisations de cette tendance, ils disent qu'il ne faut pas, quand on dit « nous », il ne faut pas distinguer avec les non-musulmans et les musulmans. Il faut dire « nous » et que ça inclut « nous » tout le monde, nous les musulmans et les non-musulmans en même temps, donc ils disent pour un « nous » exclusif, et ils critiquent ceux qui disent « nous » et « eux », donc ils ne veulent pas qu'on se fasse distinguer par rapport à notre croyance en islam. Et ça déjà, ça c'est grave, parce que c'est contraire bien entendu à notre façon de comprendre al-wala ou al-bara, ainsi de suite, et de s'allier et de se désavouer des gens par rapport à la croyance. Donc ça c'est en gros qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là. Puis aussi, quand ils disent notre meilleur allié, bon, ils parlent des associations musulmanes au Québec, et ils disent que le mouvement associatif ou l'action associative au Québec encourage la participation citoyenne des musulmans et des musulmanes. Ça c'est peut-être qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans, c'est le fait qu'ils font rentrer les représentants ou les candidats aux élections dans les mosquées soi-disant pour dire aux gens votez pour celui-ci, votez pour celle-là. Puis peut-être à la longue, je ne sais pas c'est quoi leur intention ou leur but en faisant ça, mais c'est que probablement ils pensent que ça va leur donner un poids dans le Parlement, puis par la suite ils vont pouvoir faire passer des lois selon leur but et leurs objectifs, mais bien entendu, il n'y a pas de doute que cette méthode-là, elle est incorrecte, et contraire à la sunna, contraire au Coran, et c'est ça ce qu'on est en train d'expliquer dans ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, là maintenant que j'ai répondu à ce point-là, c'était juste pour faire comprendre en fait que quand on appelle les musulmans à s'identifier à leur religion et à se distinguer des koufars dans leur apparence et dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, ça ne veut pas dire qu'on appelle nécessairement les musulmans à se renfermer sur eux-mêmes. Au contraire, ça va amener les musulmans justement à prendre une plus grande conscience de qui ils sont, de se connaître eux-mêmes par rapport à leurs croyances, par rapport à leur foi, par rapport à leur créateur, et par la suite d'être capable de mieux se présenter justement vers les autres qui sont pas musulmans et de leur faire comprendre justement qu'est-ce que c'est l'islam, à quoi on est en train d'appeler l'humanité et justement de faire une meilleure présentation et propagation de la Aqida et de l'Islam. Et non pas de se présenter uniquement comme étant membre d'une communauté culturelle en disant par exemple, oui, je suis un tel, je suis maghrébin, je mange du couscous et puis c'est ça mon identité. Ça c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va faire entrer quelqu'un au paradis, au jugement dernier. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer et mettre l'importance sur les fondements et la base de la religion et non pas sur des trucs secondaires et des trucs qui n'ont pas d'importance au jugement dernier. Donc ça c'est le point que je voulais faire. Et ensuite, le cheikh il dit donc, il va parler des shubuhat. Il dit, فمن تلكم الشبه ما يلي. Donc il va mentionner et énumérer toutes les shubuhat qui sont mentionnées au sujet des élections et de la démocratie. Donc il mentionne le premier, أن الانتخابات ما هي إلا شورى وقد حث الله عليها فقال فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. OK. Après il dit ووجه الدلالة من الآية ألف أن الآية تدل على وجوب إشراك الشعب في مساهمة هذا الأداء لأنه جعل كل تدبير شؤون المجتمع يتم عن طريق التشاور الكامل بين أعضائه. باء أن والتعبير في الآية بالأمر يشير بصفة واضحة إلى مقاليد السلطة في المجتمع، وهذا يجعل الشورى تمتد امتدادا حتميا إلى اختيار ولي الأمر وإقامة أجهزة الدولة عن طريق التشاور السليم الأمين بين أعضاء المجتمع الإسلامي. جيم لم يحدد فئة معينة تتولى هذا الأمر، فلفظ بينهم فيه في الآية يشير إلى المجتمع كله. وقال تعالى وشاورهم في الأمر. وجه الدلالة من الآية يأتي الخطاب الإلهي إلى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر عندما أقام بالمدينة أول دولة إسلامية، وذلك ليجعل من الشورى سنة ثابتة تستلزم بها الأجيال التالية وليقرر مبدأ الشورى في الحكم. ملخص القول أن تولية رئاسة الدولة وإنابة مجلس الشورى والهيئة التشريعية يجب أن تأتينا أو أن تأتي عن طريق الانتخاب الحر الذي يشترك فيه المجتمع بأسره، ولا يقتصر ذلك على فئة مميزة. Donc ce point là le premier point c'est leur argument qu'ils ramènent souvent. C'est quoi cet argument là? Que la démocratie, c'est comme la Shura. Ils essaient de faire croire aux gens que la démocratie et la Shura, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est la Shura en arabe? Ça veut dire la consultation. Ça veut dire la consultation que les gens vont, le dirigeant, il demande le conseil et il consulte des gens dans les décisions qu'il prend. Et la base de ce principe, c'est vrai que ça fait partie de l'islam, ce principe. Toutefois, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Hein, ça n'a rien à voir du tout avec la démocratie. Et c'est ça ce qu'on va avoir. Bon, eux, ils mentionnent le verset, par exemple, 38 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa amruhum shura baynahum ». C'est-à-dire, ils font des consultations où ils gèrent leurs affaires entre eux en se basant ou en utilisant ce qu'on appelle « Ashura ». La consultation. Verset 38 dans Surah Shura, se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Donc ça c'est le verset qu'ils mentionnent. Et qu'est-ce qu'ils, comment ils interprètent ce verset-là eux? Ils interprètent ce verset-là en disant que dans le verset il y a la preuve que le dirigeant doit faire participer le peuple en entier dans la consultation. et que yani, Allah subhanahu wa ta'ala a établi la consultation dans toutes les affaires de la société et qu'il faut faire participer donc tous les membres de la société à ce processus de consultation. Ça c'est ouais, Allah Mustaan. S'ils font rentrer les animaux, alors là, on a un problème. C'est eux là, parce que c'est eux la majorité, hein. Ouais, ils font les animaux, ouais. Non, mais ça y est, hein. C'est même juste faire rentrer les fourmis, puis ça y est, on est fini, hein. Parce qu'il y a plus de fourmis que d'êtres humains sur la terre. Puis si on fait rentrer les bactéries, alors là, oubliez ça, hein. On a perdu tout de suite. Donc, ça c'est juste pour donner un exemple. Et après, le B, Cheikh Idiwa Ta'bir, c'est l'amour. Donc, ils essaient d'interpréter le verset en disant que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce principe-là dans le Coran, ils disent que c'est clair que ça implique que tout ce qui a rapport avec l'autorité dans la société. Donc ils disent que ça s'applique également à yani, délimiter ça donne une limite à l'autorité dans la société et ça fait donc ils disent que ça fait que yani, le dirigeant doit être choisi par ce modèle-là. Ils disent qu'ils doivent on doit donc se baser sur le Ashura pour déterminer et pour choisir le dirigeant et pour aussi établir le comment on appelle l'appareil gouvernemental qui va diriger la société et que ça doit se faire par voie de consultation entre les membres de la société. Ça c'est une autre de leurs explications. Aussi ils disent que il n'y a pas de groupe spécifique qui est indiqué ou déterminé dans ce verset là. Parce qu'ils disent que le terme بينهم, أمرهم شورى بينهم, c'est-à-dire ils règlent leurs affaires entre eux par la shura ou par la consultation, donc entre eux ça implique tous les musulmans. Donc ils disent qu'il n'y a pas de distinction par rapport à la société, il n'y a pas de distinction d'un groupe par rapport à un autre ou une partie par rapport au reste de la population. Ça doit être tout le monde qui doit participer. Puis il mentionne ensuite l'autre verset dans Surat 159, le verset de Ali Imran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de consulter les compagnons, c'est-à-dire de consulter les sahaba, radiallahu anhum, dans les différentes questions. Et donc ils disent que ce discours-là s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de demander la consultation ou le conseil dans le commandement. Et donc, ils disent que, ou bien dans une affaire quelconque. Et donc, ils disent que ça, c'était lorsqu'il a établi le premier État islamique à Médine, et c'était donc pour établir que la Shura, c'est quelque chose d'établi, qui est ferme, qui va demeurer dans les générations qui vont suivre, et pour établir le principe de consultation dans le gouvernement ou bien dans la façon de diriger. Et donc, en résumé de tout ça, ils disent que le choix du dirigeant de l'État doit être basé sur l'assemblée de consultation et le comité législatif ou de législation, et ils disent que ça ne peut pas se faire accepter par l'élection libre, comme ils disent, le suffrage universel. Et ils disent que tous les membres de la société doivent participer dans ça, et ce n'est pas un groupe seulement en particulier qui participe, mais tout le monde. Donc, ça c'est tiré du livre Al-Ahzab Siyasiya, les partis politiques. Page 69, 70 et 71. Donc ça c'est juste pour expliquer c'est quoi leur argument, c'est quoi leur preuve, et c'est quoi leur interprétation de cette preuve, Ça, c'est ce qu'on a fait maintenant, on a expliqué ça. Maintenant, on va répondre à cette argumentation-là, point par point. Le cheikh, il dit, قلت وللجواب عما تقدم يقال إن هذا الاستدلال المأخوذ من الآيتين باطل وصاحب هذا الاستدلال إما جاهل بالطرق المتبعة عند السلف الصالح في التفسير وإما أنه يتجاهل ذلك ويلوي أعناق النصوص لتوافق هواه وتغريرا بالدهماء السذج من العامة والبلهاء أما أهل العلم وطلبته فلا تنطلي عليهم بحمد الله مثل هذه التلبيسات من مرضى القلوب ذلك أنهم بفضل الله من الله تعالى بفضل من الله تعالى قد تنوروا بنور الكتاب والسنة وفهم السلف لهما ففهموا معنى الآيات على وفق ما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بخلاف أهل البدع فإنهم قدموا عقولهم وعواطفهم في فهم القرآن والسنة على فهم السلف الصالح لهما فضلوا وأضلوا كثيرا. Donc le cheikh il explique que voici la réponse à ce qu'on vient de mentionner. C'est que cette argumentation-là, qui est tirée des deux versets mentionnés, c'est une argumentation qui est totalement fausse. Et la personne qui se base sur ce genre d'argumentation pour essayer de prouver ce qu'il dit, soit que c'est un ignorant, complètement ignorant des principes suivis par les salaf salih dans le tafsir, c'est-à-dire ils ignorent la façon d'interpréter le Coran selon la méthode des salaf salih, ou bien qu'il fait semblant d'être ignorant, hein, alors qu'il sait très bien, et il essaie de déformer le sens des textes hein, selon ses passions pour tromper les gens naïfs et les faibles d'esprit, également les gens ordinaires qui ne savent pas. Donc ils essaient de les tromper. Ça c'est deux possibilités, soit que c'est des ignorants, ou soit que c'est des gens qui font semblant d'ignorer pour égarer les gens. Le cheikh dit, mais en ce qui concerne les gens de science, les savants de l'islam et les gens qui cherchent la science, parmi les gens qui suivent la voie des salafs, hein, salafiyoun, alors eux, alhamdoulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas être trompés par ce genre de talbisat. Comme on dit talbisat, c'est comme on a expliqué dans les cours passés, on a dit talbis, c'est quoi? C'est tu prends le faux, puis tu l'enveloppes avec quelque chose de vrai. Pour faire croire aux gens qu'est-ce que tu leur donnes, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle talbis, parce que tout l'abbis, hein, tu fais montrer la, tu enveloppes, tu recouvres, tu habilles le mensonge de quelque chose qui a une apparence vraie. Et donc les gens ils l'acceptent, ils pensent que c'est la vérité, mais ils ignorent qu'à l'intérieur de cette vérité apparente, il y a des mensonges qui sont cachés à l'intérieur. Donc ça c'est l'attitude malhonnête de ces gens-là. Donc, le cheikh il dit, alhamdulillah donc, les salafiyoun et les tulab al-ilm parmi les salafiyoun et les ulama, ils ne peuvent pas être trompés par ce genre de talbisat de la part des gens qui ont un cœur malade, parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été illuminés par la lumière du Coran et la Sunna. C'est-à-dire, leur cœur est rempli de la lumière qui vient du Coran et de la Sunna, de la lumière du Coran et de la Sunna, et de la compréhension des salaf salih, c'est-à-dire des pieux prédécesseurs, comme par exemple les sahaba et les tabi'in, et les tabi'in, comment ils ont, eux, compris les versets du Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils les ont appliquées, hein. Et donc, de cette façon-là, ils sont sauvés de cet égarement-là, contrairement aux gens de bid'a, parce que les gens de bid'a, ils se sont égarés, pourquoi? Parce qu'ils ont mis au devant leur raison et leur passion et leurs sentiments. Ils ont mis ça par-dessus la connaissance et la compréhension des salafs, et donc ils ont essayé d'interpréter et de comprendre le Coran selon leur passion. Et ils se sont donc égarés à cause de ça. Donc ils se sont égarés à cause de ça. Le cheikh dit, Awrad ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fi muqaddimati tafsirihi, ahsana turqi tafsir, wa khulasatu ma qal. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير الجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له فإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم فإن لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم يرجع في ذلك أو يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام فحرام دونك طيب دونك الشيخ الذي que l'imam Ibn Kathir, hein, celui qui a écrit le tafsir qu'on appelle le tafsir al-Qur'an al-Azim, le tafsir Ibn Kathir, qui est très célèbre, qui était un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn Kathir, il dit dans son tafsir, dans l'introduction, que la meilleure façon d'interpréter le Qur'an, c'est la façon suivante. Hein. Il dit, si on vous demande quelle est la meilleure méthode pour interpréter le Coran, voici la réponse. Il dit, la meilleure et la plus correcte parmi les façons pour interpréter le Coran, c'est de savoir premièrement que le Coran s'explique lui-même. Donc il y a des versets qui sont dans un endroit qui sont plus, disons, mentionnés de façon plus générale, qui sont clarifiés dans d'autres endroits dans le Coran. Ok? Et donc, si cette façon-là, c'est pas possible, c'est-à-dire, si tu trouves pas, s'il y a un verset qui n'est pas expliqué par un autre verset, et que t'arrives pas à faire le tafsir du Coran par le Coran, alors dans ce cas-là, retourne à la Sunna. Parce que la Sunna, elle est une explication du Coran, et elle clarifie la signification du Coran. Et si tu ne trouves pas un tafsir pour le Coran dans la Sunna, hein, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, alors dans ce cas-là, retourne aux paroles des Sahaba. Retourne aux paroles des Sahaba parce que les Sahaba ont une meilleure connaissance de l'Islam et du Coran, justement parce qu'ils ont été témoins des aspects et des principes qui sont reliés au verset. D'accord? Donc c'est pas comme si par exemple quelqu'un qui entend la révélation du Coran aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui entend un verset de Coran aujourd'hui, il l'entend, il va comprendre peut-être le sens par rapport à la signification en arabe, mais c'est pas du tout la même chose que celui qui était présent au moment où le verset était révélé et qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appliquer ce verset-là dans sa vie pratique, de façon pratique, hein, et concrète. Donc il a été témoin. Le sahabi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été témoin de la révélation et il sait dans quelles circonstances, en quel lieu, pour quelle raison, à quel moment. Donc c'est beaucoup plus clair pour lui la compréhension globale du verset et l'application de ce verset-là. Et donc il est privilégié, le sahabi, justement à cause de cette raison-là. C'est une des raisons qui montre le mérite des sahaba. Hein, par rapport aux gens qui sont venus par la suite. Donc le cheikh il dit que les sahaba ont une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de la sunna et du Coran à cause justement du fait qu'ils étaient présents, ils connaissent les situations. Parce que souvent des fois il y a des versets qui sont révélés à leur sujet aussi en plus, hein. Et également parce qu'ils ont une compréhension beaucoup plus complète, beaucoup plus globale de la révélation. et leur connaissance est beaucoup plus authentique, et leur application également, leurs actions, on sait qu'ils ont, ils ont appliqué la religion avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté, hein, et beaucoup de piété, donc leur niveau de foi et de piété est beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que ceux qui sont venus par la suite, et en particulier ceux d'entre eux qui faisaient partie des savants et qui faisaient partie des grands parmi les sahaba, bien sûr. Et donc tout ça, ça montre le mérite et le privilège qu'ont les sahaba sur le reste des musulmans. Et donc à ce point de vue-là, ça prouve que la parole des sahaba peut être utilisée comme une source d'interprétation lorsqu'on ne trouve pas d'explication d'un verset dans le Coran ou dans un hadith, dans la sunna. On retourne à la parole des sahaba. Ensuite, le cheikh il dit, et si tu ne trouves pas, ni dans le Coran, ni dans la sunna, ni dans l'exemple des sahaba, alors dans ce cas-là, tu retournes, hein, comme beaucoup des imams de l'islam retournent, dans ces cas-là, aux paroles des tabi'in. On parle des tabi'in. Qui sont les tabi'in? Les tabi'in sont les élèves des sahaba. Ce sont les gens qui ont étudié avec les sahaba et qui ont vu les sahaba, qui ont cru en l'islam, qui ont vu les sahaba et qui ont étudié avec eux l'islam. Donc ceux-là, quand ils ont des désaccords sur un verset ou quelque chose, ils retournent souvent aux paroles des tabi'in. Et si il y a un désaccord entre les tabi'in sur un verset, dans ce cas-là, ils ne considèrent pas que la parole d'un d'entre eux, ils ne considèrent pas la parole d'un des tabi'in comme étant une preuve contre la parole d'un autre tabi'in, parce que bien entendu, ils ne sont pas au même degré, au même niveau que les sahaba. Les tabi'in sont en dessous par rapport à ce plan-là, ils ne sont pas considérés au même niveau que les sahaba, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre leur parole comme étant une preuve absolue. Toutefois, ça peut aider à comprendre, hein. Et dans le cas de divergence entre eux, on retourne à la langue du Coran et à la langue de la Sunna, et ou bien en général à la langue arabe classique de l'époque et aux paroles des sahaba qui expliquent des choses linguistiques par rapport à la signification du Coran ou par rapport à la sunna. Et le cheikh il dit en dernier que on n'a pas le droit de faire une interprétation du Coran selon notre opinion. Qu'est-ce qu'on appelle le tafsir de ra'i, de faire le tafsir en se basant sur nos points de vue ou nos opinions, ça c'est haram. Donc ça c'est tiré du tafsir de l'imam Ibn Kathir. Et ça donc ça nous aide beaucoup à comprendre la question d'interprétation. Parce que ça, c'est l'argument numéro un que vous allez retrouver quand vous parlez avec des gens de nos jours, quand on leur parle de questions religieuses. La première chose qu'ils disent, ah ouais, mais la religion, tout le monde l'a interprétée, tout le monde peut l'interpréter de différentes manières, et donc ça veut dire que on peut pas savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, puisque c'est des interprétations, soi-disant. Et la réponse à ça, bien sûr, c'est l'exemple de l'imam Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il vient d'expliquer comme principe? C'est que c'est vrai que il y a des interprétations, parce qu'il y a des versets qui ont besoin d'être interprétés. Quand ils ne sont pas interprétés clairement dans le Coran, ils sont interprétés par la Sunna. Sinon, ils sont interprétés par les paroles des Sahaba, et sinon on peut aller voir dans les paroles des Tabi'in. Sinon on retourne à la langue arabe classique, hein, la langue du Coran, la langue de la Sunna, puis ensuite la langue en général, qui est l'arabe classique. Puis ça nous aide à comprendre le Coran, et c'est ça la méthode à suivre. Tandis que les gens qui veulent essayer d'interpréter le Coran selon leurs propres idées, selon leur propre compréhension aujourd'hui, sans se référer aux principes qu'on a mentionnés, eh bien c'est normal, et c'est sûr qu'ils vont interpréter la religion de n'importe quelle façon, mais en réalité c'est pas une interprétation ce qu'ils font, c'est une déformation de la religion. Et il faut faire la distinction entre l'interprétation, le tafsir qui est valable, et la déformation de la réalité qui est dans la révélation. Et souvent, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, ils ne font pas de distinction entre les deux. Donc, le cheikh dit, « Qultu, unzur, akhil qari, الكريم إلى هذا الميزان العظيم في التعامل مع كتاب الله، وما ضل من ضل من أهل الأهواء والبدع في السابق واللاحق إلا بسبب الابتعاد عن هذا المنهج القويم والاعتماد على محض الرأي الفاسد، فنتج عن ذلك سماع مثل هذه التفسيرات التي لم تعرف عن سلفنا الصالح من أن الانتخابات البدعية هي نفسها الشورى الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ الذي رجع الشيخ حسن بن قاسم الريمي الذي رجع مفخر كي لي سليف رجع cette balance incroyable que l'imam Ibn Kathir est en train de nous montrer dans la façon dont on doit agir envers le Coran, envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui se sont égarés, parmi ceux qui se sont égarés, parmi les gens de Bid'a, dans le passé comme aujourd'hui, ils ne se sont égarés qu'à cause du fait qu'ils se sont éloignés de cette voie qui est droite, et qu'ils se sont éloignés de cette voie-là pour se baser uniquement sur leurs opinions et leurs idées qui sont incorrectes et qui sont corrompues. Et le résultat de ça, la conclusion de ça, ça a été quoi? Ça a été le fait que, yani, on entend ce genre d'interprétation fausse qui n'a jamais été connue par les salafs de notre Ummah, par les prédécesseurs, de ceux qui disent aujourd'hui que les élections sont des choses qui font partie de la Shura. Ouais, ok. Donc, le cheikh dit, on entend aujourd'hui ce genre d'idées que les salafs n'ont jamais connues, c'est que là, ils disent que les innovations des élections, ça fait partie de la Shura islamique. Donc, voilà, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, c'est pour expliquer, en fait, c'est comme une sorte d'introduction que le cheikh est en train de faire pour nous faire comprendre que, yani, déjà en partant, il y a un manhaj à suivre pour comprendre le Coran. Quelqu'un ne peut pas juste arriver, par exemple, ouvrir le Coran, puis commencer à essayer d'interpréter les versets selon ses opinions pour faire accepter aux gens des principes d'aujourd'hui, puisque ces principes-là n'ont rien à voir avec qu'est-ce qui est mentionné dans le verset et dans le Coran. Et surtout si les principes ou les idées ou les principes qui sont véhiculés dans ce système-là que ces gens-là essaient de défendre au nom de l'islam ont des fondements qui sont en contradiction avec les enseignements même de base de l'islam. Donc ça c'est des choses qu'on a expliquées déjà, mais c'est juste pour pour rappeler, pour mentionner, pour clarifier qu'est-ce qui va suivre. C'est que il faut suivre les principes de tafsir pour comprendre et pour expliquer le Coran. On ne peut pas suivre de n'importe quelle façon. Puis il y a une chose que ces gens-là mentionnent aujourd'hui, c'est que ils essaient d'utiliser des arguments comme par exemple, il faut retourner au maqasid, les objectifs de la charia, les buts de la charia. Et parmi, donc, ils vont dire, la charia, elle a des objectifs, qui sont établis, et donc, parmi les objectifs de la charia, il y a telle ou telle ou telle ou telle chose. Et donc, la façon dont ils parlent parfois, c'est que c'est pas le moyen qui nous amène à cet objectif-là qui est important, mais c'est l'objectif lui-même. Et donc, bien entendu, ça veut dire qu'ils justifient tous les moyens pour arriver à l'objectif du moment que c'est un bon objectif et ouais, l'esprit de la loi, les buts de la loi, les objectifs de la loi, tout ça c'est des façons de philosopher avec la religion pour essayer d'amener les gens à suivre n'importe quelle méthode pour arriver à un objectif, même si cette méthode est contraire au Coran et à la Sunna, que Allah nous protège de l'égarement. Après, le cheikh il dit ici, « وَخُلَاصَةُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالْ لِقَائِلِ هَذَا الْإِسْتِنْبَاطِ من سلفك في تفسيرك هذا أن من أن الشورى الإسلامية في هاتين الآيتين هي الانتخابات البدعية؟ فإن قلت هم العلماء قلنا لك سمي لنا هؤلاء العلماء فإن كانوا من علماء السنة السلفيين فلا حجة لك لأنك على إياس من ذلك وإن كانوا من علماء البدعة والضلالة وهم بلا ريب فأيضا لا حجة لك ذلك أن أهل البدع يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون على الله بلا علم ويحملون نصوص الكتاب والسنة ما لا تحتمل فكيف نأخذ بقول هذه بقول من هذه صفته والله أعلم. Donc le cheikh il dit ici, un résumé de comment répondre à cette interprétation et à cette fausse argumentation par rapport à la démocratie faisant partie de la Shura. Premièrement, la question qu'on leur pose, qui vous a précédé? C'est qui votre salaf? C'est qui votre prédécesseur dans cette idée que, ou dans cette interprétation que la Shura islamique, c'est les élections et la démocratie? Qui vous a précédé dans l'interprétation de ces deux versets-là en disant cette chose-là? Dans quel livre? Est-ce que c'est dans le tafsir des salaf, que ce soit tafsir al-Tabari ou tafsir al-Qurtubi, tafsir ibn Kathir ou tafsir al-Shawkani ou tafsir al-Barawi? Dans quel imam parmi les imams de l'islam on retrouve cette interprétation-là? Et la réponse c'est qu'on le retrouve nulle part, bien sûr. Et donc, c'est ça ce que le cheikh dit. S'ils persistent quand même et qu'ils veulent vraiment, ils veulent absolument répondre et qu'ils disent que ce sont les ulama, alors demandez-leur, nommez-nous qui sont ces ulama. Nommez-nous qui sont ces ulama. Et le cheikh il dit, donc s'ils nomment des noms de ulama qui sont salafiyin, alors le cheikh il dit, ils n'ont pas de preuve dans ce cas-là, puisqu'ils n'en trouveront jamais des savants salafiyin qui ont défendu cette idée-là, ou qui ont interprété ces versets-là de cette façon. Mais sinon, si ce sont parmi des ulama de la bid'a et de l'égarement, et il n'y a pas de doute que ce soit de ces gens-là, de cette catégorie-là, alors il n'y a pas de doute qu'ils n'ont pas d'argument dans ce cas-là, puisque les gens de bid'a, parmi leur voix et parmi leur attitude, c'est qu'ils déforment le sens de la parole ou le sens des textes, du Coran et de la Sunna, ils les déforment en dehors et qu'ils les font changer de sens, ils les déforment, ils les mettent en dehors de leur contexte, pour essayer de parler à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun savoir. Et ils essaient de mettre sur le Coran et la Sunna des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Alors comment pourrions-nous nous baser sur des paroles de ce genre de personnes ou de ce genre de savants qui agissent de cette façon-là? Des gens qui déforment la parole du Coran et de la Sunna pour suivre leur passion. Donc, ça c'est un point important. C'est que souvent tu retrouves par exemple dans des discussions, dans des forums francophones ou bien dans des sites internet, des gens qui vont débattre sur différentes questions en ce qui concerne différentes choses aujourd'hui, comme par exemple la démocratie. Et quand tu demandes à ces gens-là, qui a dit que ces choses-là sont permises parmi les savants? Et bien entendu, ils vont toujours essayer de ramener quelqu'un qui va essayer de justifier les paroles. Et pour certains, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de distinction entre qui est sur la sunna ou qui n'est pas sur la sunna. Quand c'est question de défendre leurs opinions, ils vont prendre les paroles de quiconque est en accord avec ce qu'ils veulent défendre. Même si la personne qui ramène cet argument-là ou cette parole-là est sur une voie qui est en contradiction avec la sunna, ils vont le mentionner juste parce que c'est en accord avec leur position. Même si l'argument même de la personne qui essaie de défendre cette idée-là, elle est complètement infondée et complètement fausse, au contraire à la vérité. Et c'est malheureux en fait pour eux, puisqu'ils se basent sur des choses qui n'ont aucun poids dans la balance de la vérité, pour défendre des choses qui sont contraires à l'islam. Donc le cheikh il dit, قال وقد قال ابن القيم في معرض رده على من يؤول صفة الاستواء بالاستيلاء إن هذا التفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف. Donc regardez ce qu'il dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ici, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dans son livre Muqtasar al-Sawa'iq al-Mursala. Il dit à propos de ceux qui rejettent l'explication, qui rejettent la signification de al-istiwa parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui essaient de déformer cette signification-là par d'autres choses. Donc, au lieu de dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône, al-istiwa, ils utilisent un autre terme qui est al-istila, c'est-à-dire ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il a pris le pouvoir ou il a conquis le trône. Donc, au lieu de dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône, ils disent qu'il a pris le pouvoir sur le trône ou qu'il a conquis le trône. Et ça, c'est une déformation, bien entendu, de ce verset-là. Et donc, le cheikh, il dit que ce tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est basé uniquement sur une opinion. Elle n'est pas du tout basée sur une preuve et sur aucune référence. Elle n'a pas de référence, cette position-là ou cette interprétation-là. Et il dit que il n'y a aucun sahabi qui a défendu ça. Aucun tabi'i, c'est-à-dire aucun des élèves des sahaba qui a défendu ça, et aucun parmi les imams des musulmans qui a défendu une telle interprétation. Donc, on ne retrouve pas, le cheikh dit, « Wala ahadun min ahli tafsir alladhina yahkuna aqwal al-salaf » C'est-à-dire, même tous les savants de tafsir de qui on rapporte les paroles des salaf, aucun d'entre eux n'a mentionné ce tafsir de al-istila. Donc ça, c'est la preuve de la fausseté de ce genre d'argumentation. Et on retrouve cette interprétation-là, cette fausse interprétation-là, on la retrouve chez qui? On la retrouve chez les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyah et les gens de Kalam, donc les gens de Bid'ah. Et non pas, on ne les retrouve pas du tout dans les tafsirs des ulama qui suivent la voie des salaf salih. Donc ça, c'est la preuve que le cheikh mentionne. Et c'est pour dire que il y a des gens aujourd'hui parmi les modernistes qui écrivent des livres, ou qui écrivent des tafsirs, ou qui écrivent d'autres choses, pour essayer de défendre des idées actuelles ou modernes. Et là, c'est ça ce qu'ils font maintenant. Ils essaient de pousser ça, en particulier en Occident, au Canada, en Europe, en Amérique, de pousser ces interprétations-là pour essayer de les propager dans la population parmi les musulmans et pour que ces idées-là soient reconnues ou acceptées. Et par la suite, ils les envoient également dans les pays musulmans. Ils utilisent les grands moyens, c'est-à-dire les grands médiums, les émissions de télévision, la radio, les journaux, parce que c'est eux qui souvent ont le contrôle sur ça. Et donc, ils utilisent les médiums qui touche directement la masse et la grande population. Les médias, les mass media, comme on dit en anglais. Comment on dit mass media en français? Les mass médias? Les médias de masse? Donc c'est ça. Ils utilisent ça. Donc, bien entendu, celui qui a accès à c'est-à-dire celui qui est capable d'atteindre le plus de monde, eh ben, lorsqu'il transmet une information, il va être capable de se faire entendre par plus de monde et donc il va influencer plus de monde, même si ce sont des paroles qui sont fausses, les gens vont y croire parce qu'ils vont dire, bah, si ça se dit à la télé, ça veut sûrement dire que c'est vrai. Ah, c'est ça, le grand public. Donc, ils ont un grand public, donc ils peuvent influencer les gens plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'ils ont accès à plus de monde, qu'ils influencent plus de monde que ce qu'ils disent est vrai. Et ça, c'est quelque chose que les musulmans doivent vraiment faire attention justement à ce sujet-là. Il ne faut pas qu'ils se fassent duper ou tromper du fait que justement quelque chose se dit à la télévision que ça veut dire absolument que c'est vrai. Beaucoup de choses qui se disent à la télévision sont totalement fausses. Donc, entre autres, l'idée de démocratie qui est propagée actuellement. Puis là, le cheikh il dit « قلت وكلامه ينطبق تماما على من يفسر الشورى بالإسلام على من يفسر الشورى الإسلامية بالانتخابات البدعية. فتأمل لأنه تفسير بمجرد الرأي والتفسير بالرأي محرم كما مر آنفا من كلام ابن كثير. Donc le cheikh il dit, cette parole est totalement applicable, les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim au sujet de la fausse interprétation de ceux qui déforment le sens de l'attribut de Al-Istiwa, elle s'applique également à la parole des groupes d'islamistes qui essaient d'interpréter la Shura par la démocratie. Ça s'applique ça s'applique exactement à cet exemple-là parce que c'est un tafsir qui est basé sur des opinions seulement. C'est pas un tafsir qui est basé sur une référence du Coran ou de la Sunna ou des paroles des ulama, mais c'est uniquement un tafsir ou une interprétation basée sur des opinions. Et ça, comme on l'a dit, c'est haram. C'est haram de le faire. Hein, c'est comme on a expliqué plusieurs fois, des gens qui prennent des idées actuelles et qui essaient d'interpréter le Coran de façon à faire accepter ces idées-là aux musulmans en disant qu'elles sont des idées islamiques alors qu'elles n'ont aucun rapport avec l'islam, ni avec le Coran, ni avec la Sunna, ni avec l'histoire des musulmans. Après le cheikh il dit « وبعد هذا فيا أخي القارئ الكريم استمع الآن إلى تفسير أهل العلم من علماء السلف لهاتين الآيتين حتى تكون على يقين من أنه لا وجه للمشابهة بين الانتخابات البدعية وبين الشورى الإسلامية مطلقا وأن ذلك ما هو إلا وسواس شيطانية ألقاها إبليس على القائلين بذلك فصدقوه فصدقوه وأخذوا يدعون الشعب إليها فالله المستعان. Donc le cheikh il dit, écoute maintenant, cher lecteur, le tafsir des savants de l'islam parmi les ulama des salaf, comment ils ont interprété ces deux versets-là, pour que tu sois convaincu de la façon d'interpréter ce verset-là de la façon correcte, et pour voir qu'il n'y a aucune ressemblance il n'y a aucun moyen de faire ressembler ou de trouver des ressemblances entre les élections qui sont une bid'a et le système de la Shura islamique, il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et que ceux qui disent une chose pareille, ils ne font que se baser sur les soupers et les suggestions du shaitan que Iblis lance dans le cœur de ceux qui appellent à ces choses-là. Et donc, ils croient en ce que le shaitan leur suggère et ils commencent à appeler le peuple et la population à ces suggestions-là et à ces idées-là. فالله المستعان. Donc, le shaykh il dit, الآية الأولى وأمرهم شورى بينهم قال ابن كثير رحمه الله أي لا يبرمون أمرا حتى يشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها. Donc Ibn Kathir il explique le premier verset qui est le verset 38 dans sourate Shura, et il dit à propos de ce verset là وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ, c'est-à-dire leur affaire lorsqu'ils jugent dans leurs affaires ou bien ils font ils décident dans leurs affaires par la consultation. Donc Ibn Kathir il explique, il dit ils ne décident pas d'une affaire, les musulmans ne décident pas d'une affaire sans être consultés auparavant, pour qu'ils puissent s'aider les uns les autres avec leurs opinions, hein, en échangeant leurs opinions dans des domaines comme la guerre et des choses qui font partie de cette catégorie-là, hein, des choses qui ont rapport à ce genre de choses-là, comme par exemple la guerre. Donc on voit ici les paroles de l'imam Ibn Kathir à ce sujet. Et le cheikh il fait un commentaire, il dit قلت تأمل قوله ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحرب وما جرى مجراها فإن ذلك يدل على أن آرائهم أو أن آرائهم شديدة أن آراء pardon فإن ذلك يدل على أن آرائهم شديدة ومتفقة ولا يتم ذلك إلا لصفوة الأمة أما كافة الشعب فلا ينطبق هذا الوصف عليهم لاختلاف آرائهم الناتج عن اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأفكارهم فهل رأي الاشتراك كرأي البعثي وكرأي الناصري وكرأي الإصلاحي وهلم جرة هل رأي كل حزب من هذه الأحزاب كرأي الحزب الآخر المنافس له على السلطة donc le cheikh il dit regarde et médite bien comme il faut sur les paroles de l'imam Ibn Kathir il dit pour qu'ils s'entraident entre eux avec leurs idées et leurs opinions dans des choses comme la guerre et des choses de ce genre donc il y a dans ça la preuve que leurs opinions sont des opinions correctes, qui sont en accord les uns avec les autres, parce qu'ils s'entraident avec leurs opinions, donc ça veut dire qu'ils vont avec des opinions qui sont correctes et qui s'aident les uns les autres, et ça c'est pas possible d'avoir des gens qui ont une opinion, des opinions qui s'aident et qui se complètent les unes les autres, excepté pour une petite catégorie de la Oumma, hein, et non pas pour tout le peuple en entier, parce que bien entendu, cette description-là ne peut pas s'appliquer à ces gens-là, à toute la population. C'est impossible. C'est impossible que toutes les opinions de la population soient en accord. Et en commençant justement par les exemples des gens qui ont des opinions différentes parmi les gens qui suivent les différentes voies, les différents partis, les différentes philosophies politiques, comme par exemple l'opinion. Est-ce que l'opinion du socialiste est comparable à l'opinion du Ba'ati, ou à l'opinion du Nasiri, ou à l'opinion du Islahi, hein, ou bien l'opinion des conservateurs ici au Québec? Est-ce que c'est la même chose que les libéraux, ou bien le Black, ou bien les autres partis québécois ou autres? Donc, bien entendu, la population, ils ont tous des opinions différentes. Et si on demandait à tout le monde leur opinion avant de prendre une décision, bien entendu, on ne pourrait jamais arriver à une décision. Et donc, le cheikh, il dit, tous ces gens-là sont différents, donc ils ne peuvent pas avoir des opinions qui remplissent ou qui rentrent dans la description qui est mentionnée par les paroles de l'imam Ibn Kathir. Donc ça nous fait comprendre que on peut expliquer le Coran des fois d'une façon, et c'est ça que beaucoup de gens font aujourd'hui parmi les gens qui suivent les groupes de bid'ah, les hizbiyyin et les modernistes, ils prennent un verset et l'interprètent selon leur compréhension d'aujourd'hui, mais ils prennent pas du tout en considération les interprétations des salafs et les interprétations des ulama de tafsir dans le passé. Donc, lorsque tu regardes leur tafsir à eux, tu vois qu'ils interprètent le verset selon leurs opinions. Quand tu regardes les paroles des salafs, tu vois que leur interprétation est en contradiction totale avec l'interprétation des savants des salafs. Et donc, ça te montre que ils suivent pas la même voie que les ulama des salafs. Et pour eux, beaucoup d'entre eux, ces gens-là, justement, ils croient qu'on peut comprendre aujourd'hui le Coran, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils croient qu'on peut comprendre aujourd'hui le Coran d'une façon meilleure que la façon des Sahaba. et que quelqu'un aujourd'hui peut mieux comprendre l'islam et le Coran que les Sahaba. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dévié justement à ce sujet-là. Le cheikh dit فإن قيل نعم رأي كل حزب كرأي الآخر فلما الاختلاف إذن وإن قيل لا تبين المقصود واتضح أن الانتخابات تختلف اختلافا جوهريا عن الشورى ولا مفر لكم يا دعاة الانتخابات من ذلك. Donc le cheikh il dit ici, ils disent oui, c'est-à-dire s'ils sont capables d'avoir une opinion qui est en accord entre tous les groupes et tous les partis, il dit le cheikh que dans ce cas-là, pourquoi il y a des divisions entre vous? Et s'ils disent non, c'est pas possible d'avoir une description telle que celle qui est mentionnée par Ibn Kathir, que tous les gens de la population vont avoir une opinion qui converge ensemble, et bien dans ce cas-là, on a trouvé notre but, c'est-à-dire on a clarifié que les élections et la démocratie est complètement est fondamentalement contradictoire avec la Shura, et il n'y a pas de doute là-dessus, et vous ne pouvez pas vous en échapper. Et donc, ça c'est un point important. Et aussi, c'est que parmi les choses qu'on remarque dans l'explication de Ibn Kathir à ce sujet-là, c'est qu'on voit que le cheikh Ibn Kathir il mentionne justement que la Shura c'est dans des questions comme par rapport à la guerre. Et donc, c'est pas des choses qui sont reliées avec la religion directement, dans le sens que il y a des textes clairs qui sont mentionnés à ce sujet-là. En fait, les ulama ils ont expliqué que la shura c'est uniquement dans des choses sur lesquelles il y a pas de textes qui ont été révélés, qui sont spécifiques. Si c'est des choses sur lesquelles il y a des textes qui sont mentionnés, qui sont spécifiques, on n'a pas le droit de faire de shura à ce sujet-là. Dans ce cas-là, on est obligé d'appliquer le texte et de se limiter à la révélation. Donc ça c'est une autre divergence. Maintenant, en ce qui concerne la guerre, et là il y a beaucoup de marge pour l'explication, pour l'interprétation et pour la consultation, parce que là c'est des questions de tactique, de stratégie militaire, de façon de connaître par exemple les ruses ou les façons d'attaque des ennemis. Et donc tout ça, ça a un rapport avec des stratégies que certaines personnes peuvent être plus spécialisées dans ces choses-là que d'autres. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des compagnons qui étaient plus spécialisés et qui connaissaient beaucoup mieux les tactiques et les stratégies militaires que d'autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait leur opinion, et il ne demandait pas l'opinion de tous les musulmans à chaque fois, non. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et après, il mentionne une autre explication, mais nous, on va s'arrêter ici, parce qu'il y a d'autres citations mentionnées, le cheikh mentionne les paroles de d'autres savants de tafsir, mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on continuera, Inch'Allah, à mentionner les autres exemples d'interprétation de ce verset, de ce verset-là et de l'autre aussi, pour montrer qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de comparaison entre la shura et la démocratie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.